les gouttes, trier les âmes. J'ai perdu le fil de mes calculs. Voulez-vous, madame, tirer la route, tirer la femme? Je suis malhabile et ridicule. Si le sort s'acharne, alors rien ni personne. Si les corps se fanent, alors j'abandonne, j'abandonne. Comptez-vous, madame, lier les hommes, lier la vie. J'ai perdu le goût des souvenirs. Comptez-vous, madame, limer la pomme, limer l'envie. Je suis à vous, statue de cire. Si le sort s'acharne, alors rien ni personne. Si les corps se fanent, alors j'abandonne, j'abandonne. Aimez-vous, madame, donnez la vie, donnez l'amour. J'ai gâché la mienne à ses prémices. Aimez-vous, madame, jouer petit, nous rendre sourds. Je suis la reine de vos supplices. Si le sort s'acharne, alors rien ni personne. Si les corps se fanent, alors j'abandonne, j'abandonne.